En Corée du Sud, la formation « Les gens pour la paix et la réunification » a publié le 10 un commentaire déclarant de livrer une lutte pour liquider tous les vices causés par Park Geun-hye et défier une société nouvelle avec les citoyens qui sont descendus dans la rue, les bougies à la main.